Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Anaïs Nin, l'écriture de l'intimité. Mon rôle, c'était d'encourager les jeunes écrivains d'être la muse, de les aider. Et j'étais convaincue toujours que leur travail était plus important que le mien. Anaïs Nin, dans une entrevue posthume diffusée à l'émission Horizon en avril 1977, quelques mois seulement après sa mort. Ils seront nombreux, ces écrivains qu'Anaïs Nin va aider et encourager au cours de sa vie. Le plus célèbre d'entre eux reste sans doute Henry Miller, avec qui Anaïs Nin va vivre une relation amoureuse passionnée. C'est elle, entre autres, qui va signer la préface de son roman Tropique du cancer, publié en 1934. Mais bien d'autres encore vont croiser sa route. Antonin Artaud, Lawrence Durrell, Edmund Wilson, pour n'en nommer que quelques-uns. Joan Miller aussi, la femme d'Henry Miller. Et si l'écriture arrive très tôt dans sa vie, dans la vie d'Anaïs Nin, ce n'est que tardivement qu'on va la découvrir comme autrice avec la publication de la première tranche de son journal en 1966, ce journal qui reste son grand chef-d'œuvre. Anaïs Nin a le diable au cœur. Anaïs Nin, Anaïs, infiniment féminine, Anaïs Nin. Un été, quand j'avais 11 ans, mon père a dit qu'il partait en tournée, mais il voulait vraiment nous quitter définitivement. Et moi, je l'ai senti. Ma mère ne l'a pas su, moi, je l'ai senti. Et c'est après ça que nous avons été rejoindre les grands-parents, alors en Espagne, et que ma mère a fait le projet d'aller en Amérique parce qu'on lui avait dit qu'une femme seule avec 3 enfants pouvait se débrouiller mieux. Alors nous sommes partis. Moi, je craignais beaucoup ce voyage, l'éloignement du père, parce que je n'avais pas tout à fait accepté que c'était pour toujours. Et c'est alors qu'a commencé le journal, pour l'attirer. Et une fois que je l'avais commencé, le premier volume, et j'ai voulu l'envoyer, ma mère a dit, je crois que le journal l'a musé. Elle a dit, il ne faut pas l'envoyer, il va se perdre en route. Et alors, j'ai été forcément un petit peu enfermée en moi-même par ce fait-là que le journal n'allait plus à la personne à qui il devait aller. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Sur la chanson Anaïs Nin, interprétée par Renaud et Romane Cerda, vous entendiez Anaïs Nin justement à l'émission Le sel de la semaine, animée par Fernand Seguin en 1970. Pour nous parler de la vie, de l'œuvre aussi d'Anaïs Nin, je reçois Claudia Hébert, qui est chroniqueuse culturelle, réalisatrice et animatrice pour Ici Ontario et Ici Première à Toronto. Claudia Hébert, bonjour. Bonjour. Parlons un petit peu, Claudia, d'abord de votre rapport à Anaïs Nin. Vous vous êtes passionnée pour elle au fil du temps, pour son œuvre aussi. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez elle? Bien, depuis la publication des journaux dans les années 60, il y a vraiment des générations de femmes qui ont été inspirées à tenir des journaux, à faire plus attention à ce qui se trouve à l'intérieur d'elles-mêmes, à se questionner sur ce qu'elles veulent comme femmes, comme amantes, comme artistes. Et j'ai été dans cette cohorte, j'ai envie de dire, dans la vingtaine, je suis tombée... dans son œuvre, dans les journaux. Je suis allée dans les journaux non expurgés. Ensuite, j'étais fascinée par la vérité de cette vie personnelle profondément vécue, comme elle le disait elle-même. Des portraits de femmes dans la littérature, dans le cinéma, il y en a tellement. Mais dans l'histoire, il y en a beaucoup qui sont écrits par des hommes. Et là, c'était une prise de parole de femme qui ouvrait son cœur, sa tête et qui disait « Voici mes doutes, mes désirs, mes questionnements. » Et ça, ça a un écho chez beaucoup de femmes qui trouvent Anaïs Nin. Bon, par la suite, est-ce que je suis tombée dans des autrices plus féministes que Nin? Oui, mais et je suis devenue plus critique aussi de ce que j'ai lu dans les journaux d'Anaïs Nin, dans ses différents écrits. C'était une femme quand même de son époque, une femme mariée, mais en avance sur son temps, incroyablement moderne. Et il y a quelque chose dans l'époque où elle m'a amenée, où elle m'a fait voyager. Donc, cette écriture de femme, ce questionnement de femme, c'est ça d'abord qui est venu vous chercher. Sur le plan littéraire, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'héritage de Anaïs Nin? Malheureusement, on retient trop souvent ses écrits érotiques, mais là, on y reviendra. C'est pas l'œuvre qui lui ressemble le plus. On pense trop souvent aussi à cette position de muse, d'amante, d'amie pour des artistes comme Henry Miller, oui, comme Antonin Artaud, comme Otto Rank, qui est un psychanalyste. On pense pas beaucoup à elle comme autrice de romans parce qu'il y a beaucoup qui vont critiquer sa plume qui était très lyrique, lourde en symbolisme, qui flirtait avec le surréalisme. là où vraiment elle a marqué, elle a fait une trace, c'est ses journaux intimes qui ont été publiés. Elle va tenir quotidiennement un journal dans lequel elle se livre complètement. A priori, elle ne croyait pas que ce serait un jour publié. Et donc, sa grande œuvre, ça va être sa vie elle-même, comment elle l'a vécue, comment elle l'a racontée, cette vitrine-là incroyable sur la vie intérieure d'une femme qui était... a priori en pleine émancipation. Oui. Et ce journal, pour elle, parce qu'évidemment, je le disais d'emblée, c'est tardivement qu'on va la connaître. Elle écrit des romans, mais c'est vraiment quand elle publie la première tranche de son journal en 66 qu'on la découvre. Mais pour elle, l'écriture commence très, très tôt. Ça commence même dans l'enfance. Donc, un petit mot là-dessus, parce que tout part de là. Parlez-moi de son enfance. Quel genre d'enfance elle a, Anaïs Nin? Elle naît d'une mère franco-danoise, un père cubano-catalan, Joaquin Nin, qui est pianiste de concert. Elle voit le jour en France. Elle voyage en Europe au gré des engagements musicaux de son père. Son père qui est très volage, qui trompe sa femme allègrement, qui va quitter sa famille pour une jeune fille de 16 ans d'ailleurs. Et là, elle a 11 ans. Sa famille, sa mère, ses deux petits frères prennent le bateau, s'en vont à New York s'installer avec la famille. Et elle commence, on l'entendait, ses lettres à son père. Elle lui raconte la traversée. Elle essaie de le convaincre de revenir. Mmh. Et finalement, ces lettres-là qu'elle ne va pas lui envoyer vont devenir le premier journal. Elle va prendre l'habitude de raconter son quotidien, ses questionnements, ses espoirs. Elle y colle des photos. Tout d'abord, le journal, il est en français. Elle parle espagnol, elle parle français, mais ce père qui vit en France, elle veut lui plaire. C'est à lui qu'elle s'adresse. Et quand elle va apprendre l'anglais à l'adolescence, vers le début de la vie adulte, elle va faire un changement. Elle va se mettre à écrire en anglais et toute la suite de l'œuvre d'Anaïs Nin se fait plutôt en anglais. Oui. Ce père, l'abandon du père, c'est vraiment très, très important pour elle. C'est le début de l'écriture d'un journal, mais c'est plus que ça. Ça va la suivre, en fait, toute sa vie et dans toute son œuvre, cette présence ou cette absence plutôt du père. C'est un rapport complexe qui la relie à son père. Parlez-nous-en un peu, comment décrire ce rapport qu'elle va entretenir avec lui? Bien, beaucoup de biographes se sont questionnés si Anaïs n'aurait pas été abusée par son père quand elle était enfant. Il y a des indices qui suggèrent que c'était peut-être le cas, mais ce qu'on sait de source sûre, c'est que ce père-là va garder une place mythique dans l'esprit de sa fille. Ça va marquer les relations qu'elle a avec les hommes. Elle va longtemps chercher l'admiration des hommes autour d'elle, les hommes plus vieux en position d'autorité, chercher l'attention, l'approbation de la figure du père. C'est un thème qui revient aussi beaucoup dans ses fictions. Et elle va devenir la séductrice que son père était. Elle va suivre son modèle et ça va même l'amener carrément à le séduire, ce père-là. On le sait, il y a ses journaux qui ont été publiés une première fois et une seconde fois en version non expurgée. Et une des révélations les plus choquantes qu'on trouve dans cette deuxième version-là des journaux, dans le tome inceste de la période 32 à 34, c'est qu'à 30 ans, elle va retrouver ce père-là, les retrouvailles tant espérées de toute sa vie. Et ces retrouvailles-là vont devenir intensément incestueuses au cours de quelques jours passés avec lui. Elle va mettre un terme assez rapidement là, à ces rapports-là. C'est un pan troublant de sa vie, un tabou qu'elle va dépasser pour finalement réussir à vaincre l'emprise que son père avait sur elle depuis son enfance. Oui. Et cette décision qu'elle prend de coucher avec son père à ce moment-là, j'ai lu en préparant l'émission, mais on a vu là-dedans peut-être un acte de vengeance de sa part. Revenons à la plus jeune Anaïs Nin, aux années parisiennes, parce que c'est vraiment là que ça décolle pour elle. En 1924, elle s'installe à Paris avec son premier mari. On dit que c'est un peu une seconde naissance pour elle, son arrivée à Paris. C'est là qu'elle sort de sa coquille. C'est là qu'elle rencontre, entre autres, Henry Miller. On l'écoute parler de sa relation avec Miller, justement, dans cette entrevue qu'elle accorde à Magda Palacci, peu de temps avant sa mort, en janvier 1977. Entrevue qui sera diffusée quelques mois après sa mort à l'émission Horizon, en avril 1977. On vous a posé sans doute des milliers de questions sur Henry Miller. Alors, je vais vous en poser une en plus. Quelle a été l'influence d'Henri Miller sur vous ou quelle a été votre influence sur Henri Miller? Je crois que nous avons eu une influence très grande un sur l'autre. Parce que Miller, après tout, c'était l'écrivain du peuple. Et il n'avait pas été dans la littérature proprement dite. Mais moi, c'était tout le contraire. J'avais eu un passé très cultivé. Avec mon père qui était musicien, nous avions beaucoup de livres dans la maison. Alors, ces deux extrêmes, nous étions vraiment deux extrêmes. Lui m'attirait énormément par sa communion avec la vie, la rue, le fait qu'il aimait tout et qu'il embrassait tout, qu'il n'avait pas de dégoût. Varda a dit qu'il n'avait pas assez de dégoût. et en même temps, chez moi, c'était, je devenais comme d'autres écrivains français. Je restais à la maison, j'étais protégée de trop d'expériences. Je ne savais rien de la vie. Alors Mela m'a vraiment lancée dans la vie. Et alors moi, je l'ai aidée dans le perfectionnement de son travail, qui était un peu chaotique et qui désordonnait comme lui et tout. Alors parlez-nous de cette période parisienne où Anaïs Nin rencontre Henry Miller, Claudia Hébert. Comment se rencontrent-ils et qu'est-ce que ça va donner, cette relation-là? Quelle sera la nature de cette relation avec Miller? En fait, quand Anaïs, elle arrive à Paris avec son mari qui est banquier, elle est très bourgeoise, très ouais. femme au foyer. Là, lui travaille, elle écrit, elle prend des cours de danse, elle soigne son apparence. Et le premier journal qui va être publié en 66, ça couvre la période de 31 à 34, alors qu'elle a 28 ans. Et c'est vraiment le moment le plus intéressant. C'est là que tout change pour elle. D'une part, elle vient de compléter un premier ouvrage qui est une étude de l'œuvre de l'auteur D.H. Lawrence, là, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley. Mm-hmm. Ce moment-là, c'est le moment où est-ce que, oui, elle rencontre Henry Miller. Lui qui a quitté New York pour s'installer à Paris. Il veut écrire sur sa vie là-bas. Ça va être le roman tropique du cancer. Il vit vraiment très pauvrement et il va chercher souvent à se faire inviter à souper à gauche, à droite, avoir un repas chaud quelquefois dans la semaine. Et il va se faire inviter chez Anaïs Nin. Il a lu l'étude sur Lawrence. Il se présente un soir à la maison en banlieue de Paris, à Louveciennes, où habitent Anaïs Nin et son mari. Et là, c'est vraiment un coup de tonnerre, une rencontre qui est marquante pour tous les deux. Ça commence par une amitié épistolaire. Ça va devenir une aventure charnelle, une histoire d'amour, un partenariat créatif aussi. Elle va délaisser cette vie-là bourgeoise. Elle va devenir plus bohème. Elle va rencontrer avec lui des artistes, des auteurs, des astrologues. Elle va s'encanailler. Il y a la relation, le triangle amoureux aussi avec l'épouse ouais. de Henry Miller, June, qui vient parfois à Paris. Et il y a cette compétition-là entre Miller et Nin de tenter de percer June à jour, elle qui est très menteuse. Anaïs Nin, qui va aussi longtemps soutenir financièrement Henry Miller, elle va payer son loyer, elle va éventuellement payer pour publier Tropique du cancer, elle va en écrire la préface d'ailleurs, mais ça va dans les deux sens. Il la supporte aussi artistiquement, il va lire les journaux, l'encourager à publier, ils vont écrire côte à côte et il va l'encourager à aller vers la fiction aussi, à traduire son vécu en fiction. C'est une amitié qui va se poursuivre toute leur vie. D'ailleurs, leurs correspondances vont être publiées éventuellement. Donc, de toutes les relations, parce qu'il y en aura beaucoup, de toutes les mm-hmm. relations amoureuses que va entretenir Anaïs Nin, Miller, c'est probablement la plus significative, l'une des plus importantes en tout cas, mais il y en aura bien d'autres. Et on écoute, vous allez voir, Fernand Seguin, à l'époque, sur la pointe des pieds, évoquer avec elle cette dimension de sa vie, ses nombreuses conquêtes amoureuses, à l'émission Le Sein de la semaine en 1970. À ce moment-là, là, la version du journal qui existe, c'est celle qui est censurée. Donc, elle ne dit pas tout, mais Fernand Seguin devine bien quand même quelques éléments. Au nombre de ces rebelles que vous fréquentiez, que vous aidiez, à qui vous étiez dévoué, il y a Antonin Artaud, qui est un transfuge du surréalisme et qui a été le créateur, en quelque sorte, du théâtre de la cruauté. Hein? Artaud, oui, qui est mort, finalement, dans un asile d'aliénés à Rodez. Mais à l'époque où vous l'avez connu, quelle sorte d'homme était-ce? Il était à ce moment-là très beau, très dramatique, très renfermé en lui-même. Il montait justement la pièce de Béatrice Chancy. Il avait des idées tout à fait nouvelles sur le théâtre. Et moi, je sentais que je comprenais ce qu'on appelait sa folie, qui d'ailleurs était à ce moment intermittente, qui n'était pas continue. Il avait des moments très lucides sur lui-même. Et il y avait aussi, ils n'auront pas le temps de parler de tous, mais il y avait Carteret, il y avait Conrad Morican qui s'occupait d'astrologie aussi, que vous avez fréquenté à l'époque. Oui, et lui, c'est un personnage très intéressant qui avait connu Max Jacob, Sandrart et Picasso, qui nous racontait tant de choses, qui était vraiment poète. Son expression, son astrologie était vraiment de la poésie. Et il dirigeait nos vies dans sa petite chambre d'hôtel. Enfin, il nous disait qui allait s'entendre avec qui. Alors, puisque cet extrait se termine dans une chambre d'hôtel, Claudia Hébert, parlons-en de cet aspect-là, l'aspect sentimental de la vie d'Anaïs Nin, la sexualité aussi, la place qu'occupe la sexualité dans sa vie. Mais ce qui est étonnant pour une femme qui va être connue éventuellement pour ses écrits érotiques, c'est que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle apprivoise cette sexualité-là. Son mariage ne sera pas consommé avant quelque chose comme un an. Ce ne sera pas très passionné. C'est vraiment Henry Miller qui va être le catalyseur. Lui qui fréquente des prostituées, il va lui faire découvrir plein de choses. Et elle, elle ne connaît rien, vraiment les gestes les plus anodins. C'est une révolution pour elle. Et ça va être une libération sexuelle. Elle va se mettre à prendre bien d'autres amants, des amis, son cousin, des psychanalystes, on l'a dit plus tôt, son père même. Elle va même mettre à l'épreuve son attirance pour June, la femme de Henry. Mais même si cette relation-là va devenir physique, elle se rend compte que c'est peut-être pas du désir pour June, un désir plutôt d'être June, ce désir d'être cette femme fatale qu'elle idéalise. Alors oui, c'est vraiment dans les journaux de Nin, surtout les non-expurgés, cette sexualité, cette sensualité, ça a été une très longue exploration pour elle, très libérée, peut-être un peu par bravade des fois pour prouver ses capacités de séduction, mais c'est quand même une femme qui est vraiment allée au bout de ses envies de ce côté-là. Oui, parler de ses journaux, c'est inévitable, puis on va y revenir plus longuement dans un instant, mais on peut dire que son écriture se divise en deux grandes parties, les journaux d'un côté, les romans de l'autre. Comment se comparent l'un et l'autre? Quand on regarde les romans, sa vie se retrouve aussi dans ses romans de fiction. Ça teinte vraiment beaucoup. On reconnaît toujours les alter-ego pour elle-même, pour Miller, pour June, pour son mari. Je pense dans Un hiver d'artifice, on reconnaît Otto Rank dans le personnage de Lavoie, un analyste. On reconnaît un peu l'avortement de Nin aussi dans l'histoire. Mais elle va toujours amener dans la fiction sa vie dans quelque chose de symbolique, de surréalisme. Elle va filtrer un peu ses expériences pour les amener dans quelque chose d'un peu plus onirique, plus poétique. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de difficultés à se faire publier de ce côté-là. C'est une autofiction qui est un peu exaltée, qui a été accusée de narcissisme, qui a été un peu même méprisée. Mais si elle amenait sa vie dans la fiction, il n'y avait pas de fiction dans les journaux. Là, c'était la vérité. C'était l'époque, c'était les gens qui l'ont côtoyée. Ce journal-là, c'était son armure, son confessionnal, son ami le plus fidèle. C'était le filtre qui lui permettait vraiment de structurer sa vie et de nous raconter une vie, mais quelle vie elle a vécue. Bon, je vous parle de ses relations avec ses analystes, des analystes qu'elle a fréquentés comme une patiente, mais elle a appris aussi d'eux. Elle va se retrouver éventuellement à prendre des patients en psychanalyse. Elle-même, l'ordre professionnel n'est pas encore vraiment réglementé. Alors, elle va pratiquer la psychanalyse. Elle va vivre indépendamment de son mari pendant un temps. Elle va s'acheter un bateau, une péniche sur la Seine. Elle va y recevoir un amant, Gonzalo Moré, qui était un révolutionnaire péruvien, qui va l'initier au marxisme, lui faire goûter la politique, le militantisme. Elle va aussi, à un moment donné, se tanner d'attendre qu'on publie ses écrits de fiction. Oui. Alors, elle va s'installer une presse, une première presse à Paris, ensuite une presse à bras à New York, qu'elle va opérer sans électricité avec Gonzalo pour imprimer ses écrits. Et il y a bien sûr cette histoire qui va être un fil rouge dans toute sa vie, ce mari, Hugo, qui va être, dont elle ne va jamais se séparer, mais pourtant dont elle va être bigame plus tard. Elle va rencontrer un autre homme plus tard, plus jeune, de 17 ans, son cadet, et va se mettre à vivre à New York et en Californie en même temps, ce qu'elle appelait son trapèze entre deux hommes, entre deux régions. Alors, les journaux sont un témoignage de toutes ces époques-là de sa vie. Plus tard dans sa vie, les journaux vont être moins personnels. Elle va appeler ça le journal des autres, plus de portraits des gens autour d'elle. Moi, je dis les journaux des années 30, des années 40, c'est vraiment les plus fascinants. Oui. Ben, on l'écoute justement parler de ces journaux. Je rappelle, le premier tome est publié en 66, le premier tome de son journal. On l'écoute en parler de l'importance que ça a eu pour elle, l'écriture de ces journaux et leur publication. Extrait de l'émission 30 dimanches avec Andréanne Lafont, en 1973. Votre journal, est-ce que ça a été un petit peu une sorte de libération pour vous quand vous avez commencé à le publier, non pas à l'écrire? C'était une libération même avant de le publier, parce que c'était le coin où je pouvais être tout à fait moi-même, sans déranger les autres, sans faire du tort aux autres, sans les gêner dans mes idées, avec mes idées. Et je croyais que tout ça devait rester secret. C'est justement, le publier, c'est quand même vous livrer au public. Au contraire. Mais j'avais très peur. J'ai eu un rêve que j'ouvrais ma porte de ma maison et que je recevais des radiations atomiques. J'avais une grande crainte d'être jugée, de ne pas être aimée, mais j'ai pu faire ce pas en avant et c'était très bon, parce qu'alors ça m'a prouvé que c'est seulement quand vous donnez le plus profond, de votre être que les autres peuvent vous aimer. Alors, ces fameux journaux, d'abord, première publication en 66, publication, on le verra bien, quand il y aura une deuxième version de publier après sa mort qui était, entre guillemets, censurique, où on n'apprenait pas tout. Parlez-moi de ça, de cette œuvre-là qui reste sa grande œuvre, son journal. Alors, il a fallu demander la permission de mettre certains noms. Certains ont refusé. Alors, elle a enlevé complètement des noms des personnages. Elle a complètement fait disparaître son mari des premiers journaux pour protéger sa vie privée. Et après sa mort, oui, son second mari, je vous l'avais dit, elle était bigame, lui avait la mission de publier les journaux comme il était écrit, en fait, de faire paraître les parties du journal qui n'avaient pas été publiées. Et là, on a découvert toute la profondeur des relations, la complexité et les détails peut-être plus croustillants aussi là, de l'histoire d'Anaïs Nin. Alors, c'est vraiment deux œuvres qui sont complémentaires, qui n'ont pas beaucoup de répétitions, mais qui nous expliquent vraiment mieux quand on lit les deux, qu'on comprend mieux les rapports qu'elle avait avec les hommes autour d'elle, bien sûr. Il y a des demi-vérités aussi qui se révèlent. L'histoire de son avortement, finalement, on l'avait présentée comme un accouchement d'un enfant mort-né. Non, c'était vraiment le choix d'interrompre une grossesse. Qui était le père de cet enfant-là? C'était certainement Henry Miller et non pas son mari. C'est les relations aussi sexuelles qu'elle avait avec ses psychanalystes. Alors, c'est creuser un peu plus loin pour connaître un peu plus la femme dans toutes ses contradictions et toutes ses complexités. Portrait de femme, portrait d'époque fabuleux aussi. Un petit mot sur Vénus Erotica, parce que si c'est la publication de son journal une première fois en 66 qui l'a fait connaître au grand public, c'est vraiment Vénus Erotica qui, probablement, publié l'année de sa mort en 77, reste son livre le plus connu. C'est certainement pas le livre dont elle était le plus fière, en revanche. C'est son premier best-seller, oui, et elle est une des premières femmes à publier de l'érotisme, mais c'était vraiment un projet de commande. C'est un riche collectionneur anonyme qui avait demandé à Miller de lui écrire des histoires pornographiques. Lui refile le contrat à Anaïs, 1 $ la page pour écrire de l'érotisme, et avec un collectionneur qui lui dit toujours « moins de poésie », plus de détails graphiques, moins de sensations, plus d'actions très crues. Alors, ça va lui peser beaucoup d'écrire ces pages-là, mais elle a beaucoup d'amis à sa charge, elle qui voulait toujours payer les loyers de plusieurs amis, amants ou gens autour d'elle. Alors, elle va choisir de le faire pour des raisons financières. Elle va publier aussi pour des raisons financières pour soutenir son mari au-delà de sa mort. Ce ne sont pas des textes qui sont toujours très recommandables, je vous dirais, au niveau des thèmes. Ce ne sont pas non plus des textes d'une grande qualité toujours morale ou au niveau de l'écriture. Il y a des petits moments de belle sensibilité féminine, mais je vous dirais, oui, ça fait partie du mythe de l'autrice, mais dans les journaux non expurgés, il y a quelque chose de tellement plus intéressant sur la sensualité et la perspective féminine dans la sexualité. Ben, c'est ce qu'on fera. On se tournera plutôt alors vers ces journaux. Mm-hmm. Claudia Hébert, passionnée, on vient bien de l'entendre, de l'œuvre d'Anaïs Nin, chroniqueuse culturelle, réalisatrice et animatrice pour Ici Ontario et Ici Première à Toronto. Ça a été un bonheur de vous entendre. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.